mariage en musette. Mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai pris ça, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux. Car l'on croit toujours doux mon amour, quand ils ont dit avec les yeux qu'il aimait tant. Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Pour parler, chaque fois qu'il m'entrait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serrer les bras audacieux. Car l'on croit toujours doux mon amour, quand ils sont dit avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de sa volonté sous ses baisers.